blessés, édentés, coupés, attachés, comme des fluides colorés, fuyés, attachés, comme une lame de boucher, aiguisée, profitée, comme une lame affûtée. Je vais t'étriper, écorcher. Tu m'as saigné, cisaillé, tombe à mes pieds, lacéré. Dans le bonjour du boucher.